En ce 8 février de l'année 2024, il me fait plaisir de rendre hommage au philosophe jovialiste André Moreau. C'est le jour de son 83e anniversaire et il me fait plaisir de souligner cet événement par rapport à ce fondateur de la philosophie du jovialisme. Étant donné que des penseurs de son envergure, il n'y en a pas beaucoup à l'échelle de l'humanité. Et puis, en ce jeudi, c'est particulier parce que c'est le jour de son anniversaire. Or, jeudi, c'est le jour associé au mouvement du jovialisme. Pour ce qui est des chrétiens, ils se sont associés au jour du dimanche. Les juifs, le samedi. Et également les musulmans par rapport au vendredi. Et pour ce qui est des jovialistes, c'est le jeudi. Et je veux rendre hommage en particulier à André Moreau, étant donné qu'avec constance, sur plusieurs décennies, il a écrit de nombreux livres et il a prononcé plusieurs milliers de conférences. Donc, il a mis au monde et à la disposition du public une œuvre considérable. Et c'est sûr que pour ce qui est des gens qui m'écoutent présentement, qui aimeraient découvrir sa philosophie, eh bien, c'est sûr que vous pouvez vous procurer de ses enregistrements auprès de sa compagne Jackie, dont je vais mettre les coordonnées là en bas de l'enregistrement. Et c'est sûr que je veux profiter de l'occasion pour rendre hommage à tout le travail considérable que fait au fil des années pour diffuser une pensée originale, donc au sein de l'humanité, une pensée de transgression joyeuse qui met l'emphase sur le bonheur. Et c'est sûr que présentement, il y a peu ou pas de médias officiels ou même dans les médias alternatifs qui vont parler de lui. Et c'est entre autres la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui au micro pour souligner, dans le fond, l'existence du jovialisme et d'André Moreau qui réalise encore des vidéos. Donc, sa compagne Jackie en a partagé d'ailleurs plusieurs là, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et présentement, ben, c'est sûr que tout ce qui est le contexte manipulateur plutocratique et également la loi générale ont occulté le jovialisme à l'échelle de l'humanité et tentent de, comment dire, passer sur silence tout ce qui est amené par André, mais en dépit de ça, eh bien, sur Internet, vous avez quand même accès là, à certains contenus là, qu'a fait au fil du temps, là, entre autres André Moreau. Et ce que je dois dire, c'est que je suis d'avis que c'est pas à travers la dépense de 7,3 milliards de dollars par le gouvernement provincial et du Québec et fédéral au Canada pour la construction d'une entreprise de batteries électriques pour la compagnie Northvolt, qu'on va améliorer le sort des citoyens canadiens, y accéder à une forme de prospérité. Donc, c'est à mon avis, ces dépenses-là sont futiles et ne fait que de transférer de l'argent que les gens dépensaient en étant dépendants au pétrole pour passer à la dépendance à l'électricité. Alors que cette énergie que représente cet argent pourrait être mieux utilisée si elle pourrait, par exemple, servir à diffuser l'ensemble de l'œuvre d'André Moreau et traduite en plusieurs langues à l'échelle de l'humanité. Parce que c'est pas à travers l'énergie électrique qu'on va assister à un changement au second niveau de l'humanité. Et à mon avis, l'énergie éthérique qui peut être véhiculée à travers de la philosophie du jovialisme peut beaucoup plus pour l'humanité que tout simplement amener des citoyens à passer de la dépendance au pétrole à de la dépendance à l'électricité et se ramasser avec un véhicule avec un compteur et dont le prix de l'électricité va être fixé par le cartel d'Hydro-Québec et garder les gens sous une forme de dépendance. À mon avis, ce type de dépenses associées à une forme d'illusion du progrès, mais qui garde les individus dépendants à une forme de mystification associée à une technicité qu'on nous présente comme étant plus sophistiquée, n'est que futile. On devrait investir sur l'être, en ce sens que des individus qui ont la capacité d'exercer un verbe de pouvoir, c'est-à-dire le parle-l'être, donc une parole chargée d'énergie étrique, eh bien, c'est ces êtres qui auront la capacité de faire beaucoup plus pour l'humanité que simplement nous vendre des gadgets comme des batteries pour des véhicules électriques. Donc, à mon avis, présentement, les gens qui nous dirigent, qui nous contrôlent, n'ont pas compris qu'ils font fausse route et que, à quelque part, une philosophie d'envergure mondiale comme le jovialisme pourrait être une façon d'accéder à une volonté du bonheur, car le bonheur ne passera pas par l'achat d'une auto électrique, car si l'individu est privé de l'auto électrique, il est privé de son bonheur. Donc, on nous fait miroiter plusieurs choses. Mais en dépit de tout ça, ce que j'ai à dire, c'est que la philosophie d'André Moreau, je vous invite fortement à la découvrir, parce que elle a une capacité d'amener un changement au second niveau au sein de l'individu, c'est-à-dire amener l'individu à s'actualiser en tant qu'être, c'est-à-dire permettre à l'individu de se constituer au second niveau et se doter d'un centre de gravité de permanent qui va lui permettre de connaître une transformation interne et aussi externe, car l'être est autant dans le dedans que dans le dehors, qui va lui permettre d'accéder à un autre niveau de conscience. Mais naturellement, présentement, il y a peu de gens qui sont intéressés par cette philosophie, ce qui est bien dommage, mais moi ça m'intéresse et c'est la raison entre autres pour laquelle il y a quelques jours j'ai rendu sur ma chaîne YouTube disponible au public des extraits de conférences d'André Moreau que naturellement vous pouvez vous procurer auprès de sa compagne Jackie. Et en faisant l'enregistrement d'aujourd'hui, bien, je le fais dans un esprit de festivité, sachant que c'est l'anniversaire d'André, et en même temps, bien, c'est le jour du jovialisme, et dans un esprit de gratitude par rapport au fait que depuis plusieurs années que j'écoute ces enregistrements, et je m'en lasse pas. Je suis toujours heureux d'écouter ces enregistrements, car ils sont porteurs du rayonnement d'une énergie étrique qu'on ne retrouve pas à travers de d'autres conférenciers, surtout pas les politiciens ni les animateurs de télévision. Bref, si vous voulez accéder à une compréhension nouvelle de la réalité, très différente de ce qu'on nous présente à travers la politique, les médias, ou les mystifications techniques à l'heure actuelle avec l'intelligence artificielle, eh bien, si vous voulez accéder à autre chose, je vous invite fortement à découvrir la philosophie du jovialisme. Et à ce sujet, je termine cet enregistrement en vous mentionnant de nouveau qu'en bas de l'enregistrement présent, je vais mettre les coordonnées là, pour les gens qui aimeraient se procurer des conférences auprès de Jackie Lacourcière étant sa compagne. Donc, merci de votre écoute et à bientôt. Et encore une fois, bonne fête, André. Au revoir.